إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est dans le cours numéro 5 aujourd'hui et on explique la suite du hadith de Jibril dans le deuxième hadith dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, le hadith célèbre qu'on appelle le hadith Jibril, qui est l'explication de l'islam en entier. Et on a commencé à expliquer le deuxième pilier de l'islam, c'est-à-dire la salat. Donc on a expliqué l'importance de faire la salat dans son temps, et maintenant on va expliquer un autre aspect de la réalité d'établir la salat, c'est la concentration dans la prière, comme le cheikh le dit. وكذلك من إقامة الصلاة الخشوع فيها وحضور القلب فالذي يصلي بجسمه ولكن قلبه غائب ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني الصلاة ثقيلة إلا على الخاشعين فإنها تكون عليهم ميسرة ويتلذذون بها والخشوع روح الصلاة وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح وإن كان قد صلى في الظاهر ولا يؤمر بالإعادة ولكن ليس فيها ثواب وقد يخرج منها وليس معه أجر أبدا لأنه لم يحضر قلبه فيها من أولها إلى آخرها وقد يخرج منها بشيء يسير وقد يخرج منها بكثير وقد يخرج منها بأجر كامل وذلك حسب خشوعه في الصلاة. Donc le cheikh explique que parmi les choses qui composent le fait qu'on établisse la salat, c'est qu'on ait le khushu, qu'on ait la concentration dans la prière et qu'on ait la présence de cœur lorsqu'on fait la prière. Donc celui qui prie avec son corps, qui fait les gestes, qui fait les mouvements, et qui dit les paroles qui sont ordonnées de taire durant la salat, mais que son cœur est absent, son cœur est ailleurs, il pense à d'autres choses, eh bien celui-là, il n'a rien de sa prière. Ou bien il n'a de sa prière que ce qu'il a été conscient durant le moment qu'il faisait sa prière. Donc lorsqu'il priait, il est conscient de... S'il est conscient des mouvements qu'il fait, des paroles qu'il dit, et qu'il prend le temps de réfléchir à ce qu'il dit, dans ce cas-là, il est présent avec son cœur, donc sa prière a une valeur dans ce cas-là, selon la quantité ou la proportion de concentration qu'il a. Mais s'il est ailleurs et qu'il pense à toute chose et qu'il a été absent et insouciant durant sa prière, eh bien il n'aura rien de la récompense de sa prière. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 1 et 2 dans Surat al-Mu'minun, certes, les croyants auront le succès. Les croyants ont le succès, ce sont ceux qui sont humbles dans leur prière. Ce sont ceux qui sont concentrés dans leur prière. Et également, le verset 45 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est certes la prière une chose qui est lourde, excepté pour ceux qui sont humbles et qui sont concentrés dans leur prière, c'est-à-dire que la prière elle est lourde comme on a dit, sauf pour les gens qui sont bien concentrés et qui sont bien humbles durant leur prière, ça veut dire que la prière est facilitée pour eux et qu'ils ressentent un plaisir du fait de faire cette prière-là et ils savourent la douceur de cette prière lorsqu'ils la font. Donc, le cheikh, il dit que la concentration dans la prière et l'humilité, c'est en fait l'âme de la prière. Et une prière sans concentration et sans humilité, c'est comme une prière, c'est comme un corps sans âme, un corps qui n'a pas d'âme. Donc, celui qui prie mais qui n'a pas été concentré dans sa prière, qui n'était pas présent avec son cœur durant sa prière, il a prié en apparence. C'est-à-dire qu'en apparence, il a fait les gestes, il a fait ce qui était obligatoire, et on ne va pas lui demander de le refaire. On ne va pas lui demander de refaire sa prière à nouveau. Toutefois, il n'aura rien de sa récompense. Il peut sortir de la prière sans avoir aucune récompense pour sa prière. Comme le cheikh l'explique ici. Il y a un hadith à ce sujet-là, justement. Un hadith qui mentionne que certaines personnes vont prier, et ils n'auront de leur prière que la moitié de leur prière. D'autres n'auront qu'un tiers de leur prière, d'autres n'auront qu'un quart, d'autres n'auront qu'un cinquième, d'autres n'auront qu'un dixième, ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y en a qui auront différentes valeurs, différentes proportions, selon la concentration qu'ils avaient. Celui qui n'était pas présent avec son cœur, du début jusqu'à la fin de sa prière, eh bien il aura une partie seulement, juste un peu de sa prière. Et celui qui est sorti, donc il y en a d'autres qui vont avoir plus de la récompense, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins, d'autres vont avoir une récompense peut-être complète, mais tout ça, ça dépend de sa concentration durant la prière. Donc c'est sûr que la façon dont on fait la prière, et qu'on la fasse selon la sunna, selon les règles de la sunna, ça c'est une des choses qui aide le plus quelqu'un à avoir la concentration dans la prière, le fait que la personne prie selon l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, bien entendu, la concentration, parce que la concentration fait aussi partie de la prière et de l'importance de la prière. Maintenant, vous allez voir que, par exemple, il y a des gens qui vont mettre toute l'importance sur la concentration, ils oublient les règles de la salat, et ils oublient la sunna, et le fait de s'attacher à l'application des principes de la prière selon la sunna. Et ils vont négliger l'intérieur et la concentration. Et d'autres vont se concentrer uniquement sur la concentration, ils vont négliger les règles de la prière et la sunna qu'on doit appliquer dans la prière. Donc ça, c'est deux extrêmes. Et la façon dont on doit agir, nous, par rapport à ça, c'est de se concentrer sur les deux en même temps et de mettre de l'importance sur les deux. Et c'est-à-dire que de la même façon que on met de l'importance sur l'extérieur de notre prière, la façon dont on fait les gestes et les choses qu'on dit durant la prière, que ce soit les choses qui sont en accord avec le Coran et la Sunna et qui soient basées sur ce qui est authentique dans la religion, et bien de la même manière aussi, on va se concentrer aussi sur l'humilité qu'on a dans notre prière et la présence de notre cœur pour que notre prière ait le plus de valeur possible. Donc, alhamdoulilah, parce que je me rappelle, une fois je suis rentré dans une librairie au début, quand je venais de me convertir à l'islam, et il y avait un soufi qui était là, et c'était lui qui était le propriétaire de cette librairie, et c'était un soufi de la tariqa Naqshbandiya, hein, et encore aujourd'hui, il est encore dans les centres soufis à Montréal. Et celui-là, quand je suis rentré là-bas, il a essayé de me faire sa petite da'wa, comme on dit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, tu sais, il y a des gens, tu rentres dans la prière, hein, et puis ils te disent, mon frère, il faut que tu mettes ton pied comme ça, et puis il faut que tu fasses ça comme ça, hein. Et il dit, non, c'est pas ça, il faut pas parler comme ça, il faut pas se concentrer sur ça. Est-ce que vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala va regarder comment t'as mis ton pied, comment t'as mis ta main? Non, il va juste regarder ton cœur et ta concentration, c'est ça l'important. Et donc on voit que c'est une manière qu'il utilise pour justement abaisser l'importance de le fait de s'accrocher à la sunna et de respecter les règles de la sunna. Tandis que de notre côté, nous, on met de l'importance et on insiste sur le fait qu'on doit faire notre prière selon la sunna, puis établir nos rangs, puis fermer les espaces entre les personnes, etc. de la même manière aussi, on donne de l'importance aussi à notre concentration, à notre cœur et à notre humilité et toutes ces choses-là durant la salat aussi, hein, puisque ces deux choses-là sont importantes. Le cheikh il dit ensuite, min iqamati salati, ومن إقامة الصلاة صلاتها في المسجد مع الجماعة فإن الجماعة واجبة على الأعيان يعني على الأشخاص فكل مسلم يقدر على حضور المساجد والصلاة مع الجماعة يجب عليه ذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولو كان كل واحد يصلي في مكانه أو في بيته لماذا شرع الأذان ولماذا شرع أن يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يعني تعالوا صلوا مع الجماعة في بيوت الله عز وجل إلا من كان له عذر أو ليس عنده جماعة أو ليس عنده مسجد فليصلي في مكانه أما الذي حول المسجد يسمع الأذان وهو معافى وآمن فلا صلاة له إذا صلى في بيته. Donc le cheikh il dit, et parmi les choses qui font partie d'établir la salat, le fait de faire la salat dans la mosquée en jama'a, en groupe, hein, parce que de prier en groupe c'est obligatoire pour les hommes, et chaque individu musulman doit prier en jama'a, en groupe. Donc, le cheikh dit, tout musulman qui est capable d'être présent à la mosquée pour faire la salat avec la jama'a, alors c'est obligatoire pour lui de le faire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Tabarani, et Al-Hakim, et Ad-Darqutni et d'autres. C'est un hadith qui dit, celui qui a entendu l'appel, le azan, al-nida, et qui n'a pas répondu, alors il n'aura pas de prière, excepté il n'aura pas de prière, sa prière ne sera pas comptée pour lui, excepté s'il a une excuse. Et le cheikh il dit, « وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يُصَلِّي » Si chaque personne priait chez lui, là où il est, ou bien dans sa maison, alors pourquoi on a légiféré dans la charia de faire le azan et d'appeler les gens pour venir prier à la mosquée? Pourquoi on a légiféré à la personne qui fait le azan, hein, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de dire « Hayya ala salah, hayya ala al-falah » c'est-à-dire « Venez à la prière, venez à la jama'a » venez prier en groupe dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté pour celui qui a une excuse bien entendu, yani, comme par exemple celui qui a pas, il est tout seul là où il habite, il n'y a pas de musulmans, il ne peut pas prier en jama'a, ou bien celui qui n'a pas de mosquée là où il habite, donc il prie là où il est, hein. Mais celui qui habite près de la mosquée, il entend le azan et il est en bonne santé, il n'est pas malade, il n'est pas handicapé, il est capable de répondre à l'appel du azan, hein, il est en sécurité non plus, il ne craint pas qu'il y ait des dangers sur la route ou des choses comme ça, et donc, et bien celui-là, il n'a pas d'excuse pour ne pas prier en jama'a. Il n'a pas, celui-là, il a rien, il n'a aucun obstacle, donc il n'a aucune excuse pour prier chez lui. Il doit prier à la mosquée dans ce cas-là. Mais le problème c'est ça, c'est que si quelqu'un il habite loin de la mosquée, ou quelqu'un qui habite loin, ou bien il travaille loin, il n'y a pas de mosquée là où il est, il va prier là où il est. Mais celui qui habite proche de la mosquée, juste à côté ou dans les environs, il entend l'azan, ou bien il sait que la prière s'établit à telle heure à côté de chez lui, et puis il reste chez lui, il prie chez lui tout seul, ça c'est pas correct. Et le cheikh il dit, الركن الثالث إيتاء الزكاة وهي حق فرضه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم فهي حق واجب وليست سنة وليست سنة أو مستحبة أو تبرعا فمن أداها بطيب نفس قبلت منه ومن امتنع من أدائها فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر وإن كان معترفا بوجوبها ولكن منعه البخل من إخراجها فإنه يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ويعذره ويؤدبه وإن كان معه شوكة وجنود وعدة يمتنع بهم فعلى ولي الأمر أن يجيش الجيش لقتاله حتى يؤدي الزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة في خلافته أما إذا كان يجحد وجوبها ويقول ليست الزكاة واجبة والناس أحرار فهذا يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا والعياذ بالله. Donc le cheikh ici il explique, il dit le troisième pilier de l'islam c'est la zakat, c'est de donner la zakat. Et la zakat c'est une obligation que Allah subhanahu wa ta'ala a imposée dans le bien des gens qui ont de la richesse, qui sont riches, c'est-à-dire que les pauvres ont un droit dans cet argent-là. Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans l'argent de ces riches un droit pour les pauvres. Et le cheikh il mentionne le verset 19 dans Surat al-Zariyat qui dit « Et il y a dans leur bien un droit pour le mendiant et pour le déshérité. » Et il mentionne également dans le verset 24 et 25 dans Surat al-Ma'arij, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui dans leur bien ont un droit connu pour le mendiant et le déshérité. Donc ça c'est un droit qui est obligatoire, et c'est pas quelque chose qui est sunnah, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est mustahab ou tabarru, c'est pas volontaire, c'est pas quelque chose qui est recommandé, c'est pas quelque chose qui est encouragé, c'est quelque chose qui est obligatoire, et c'est un droit obligatoire pour cette personne qui est riche, qui doit donner la zakat. Et il y a une chose qui est très importante à comprendre pour les musulmans, surtout en Occident ici, beaucoup d'entre les musulmans, ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie la zakat. Donc il faut comprendre que la zakat, c'est pas une aumône ou une charité ordinaire. Tu donnes pas, dans la zakat, tu donnes pas la zakat le montant que tu veux. Et tu donnes pas la zakat quand tu veux. Et tu donnes pas la zakat à qui tu veux. Hein? Il y a des règles, il y a des principes bien précis par rapport à la zakat. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la zakat, tu peux donner à qui tu veux, tu peux donner quand tu veux, comme une aumône ou une charité que tu donnes à quelqu'un. Non. La zakat, c'est un montant d'argent bien précis, hein. C'est, il y a le nisab, c'est-à-dire une valeur d'argent minimum, que lorsque tu l'as atteint, ce minimum-là, tu es obligé de payer la zakat à partir de ce moment-là. Et si tu as moins que cette somme, alors dans ce cas-là, tu n'as pas de zakat à payer, hein. Donc ça c'est un, et deuxièmement c'est pas n'importe quelle somme que tu donnes sur cet argent là, une fois que tu as atteint le nisab, il faut que ce soit, tu donnes seulement 2,5% de ton argent. Ensuite, c'est pas n'importe quand, il faut que ça fasse une année que tu aies cet argent là de côté et en économie, que tu ne l'aies pas touché, et donc il faut que ça fasse une année, qu'une année soit passée pour que tu puisses payer la zakat dessus. Si ça fait moins qu'un an, tu n'as rien à donner. Et également, ce n'est pas à n'importe qui que tu donnes la zakat, tu dois le donner uniquement à une des 8 catégories qui sont mentionnées dans le verset, dans Surat Tawba, au sujet de la zakat. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ. Donc dans le verset, toutes les catégories sont mentionnées à qui on a le droit de donner la zakat. Donc c'est pas à n'importe qui, c'est pas à des mosquées, c'est pas pour faire des hôpitaux, c'est pas pour faire des écoles, c'est pas pour faire des trucs de ce genre, c'est pour donner aux catégories mentionnées dans le verset en particulier. D'accord? Et c'est pas de n'importe quel argent ou de n'importe quel bien que tu peux donner. C'est, comme on a dit, il y a les biens de l'or et de l'argent. Il y a aussi, c'est-à-dire l'or et l'argent et la monnaie qu'on utilise aujourd'hui, qui est de papier, qu'on donne la zakat là-dessus. Il y a les grains de céréales, les grains les grains qu'on fait pousser là, dans les agriculteurs, le riz et les choses de ce genre, les céréales et les fruits secs comme les dattes séchées, les raisins secs et les trucs de ce genre, les choses comme ça, et aussi aussi on donne la zakat sur le bétail, c'est-à-dire les vaches, les chameaux, les moutons, des choses comme ça. Donc ça, il y a de la zakat là-dessus. Et il y a la zakat aussi sur les marchandises qui sont présentées dans un magasin pour vendre. Donc il y a la zakat sur la valeur de ces biens-là. Et aussi, il y a aussi de la zakat sur qu'est-ce qu'on retrouve dans la terre comme trésor ou richesse enfouie. Donc ça, c'est des exemples de différentes richesses qu'on peut posséder sur lesquelles on paie de la zakat. En dehors de ça, il n'y a pas de zakat. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. En dehors de ça, si quelqu'un veut donner de l'argent de ses propres biens volontairement, n'importe quand, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe quel moment de l'année, à n'importe qui, il veut donner de l'argent ou aider quelque chose, une mosquée, un hôpital, des individus, des gens qui ont besoin d'argent, ça il peut le faire quand il veut, comme il veut, sans problème. Mais il ne faut pas mélanger la zakat et ça. La zakat, c'est la zakat, et ça, c'est différent. D'accord? Donc, le cheikh, il dit que la zakat, celui qui la donne de bon cœur, Allah va l'accepter de sa part. Mais s'il refuse de la donner et qu'il nie son obligation, alors dans ce cas-là, il est kafir. Ça, c'est pour la zakat et pour toute autre chose dans l'islam. Tout autre commandement ou ordre, que ce soit la salat, la zakat, n'importe quel, même le hajj ou autre, si quelqu'un nie l'obligation de quelque chose qui est ordonné par Allah dans le Coran ou par le messager d'Allah dans la sunna, il est kafir. S'il l'a nié avec science et connaissance, il est kafir dans ce cas-là. Parce qu'il nie ce que Allah a ordonné. Ou bien, celui qui, par exemple, qui refuse de la donner, pas parce qu'il nie son obligation, mais parce qu'il est avare et parce qu'il veut pas donner son argent, eh ben celui-là, il est obligatoire aux dirigeants musulmans de le prendre, cet argent de sa part, par force. Et lui donner une punition également par rapport au fait qu'il a refusé de la payer. Donc ça c'est pour la zakat et c'est pour tout autre ordre également dans la religion et dans l'islam. Et ensuite le cheikh il explique, il dit, mais si par exemple il n'est pas tout seul, que cette personne qui refuse de payer la zakat, il a un groupe de personnes avec lui, il a une armée, et qu'il refuse de la payer, et ceux qui sont avec lui aussi, et bien dans ce cas-là, s'il a une armée, puis il a des armes, etc. Donc dans ce cas-là, c'est aux dirigeants musulmans de préparer une armée pour le combattre jusqu'à ce qu'il paye la zakat. Et ça, c'est un principe en fait dans l'islam, que lorsqu'il y a un groupe armé parmi les musulmans qui s'oppose à l'autorité du dirigeant, ou bien qui refuse d'établir certains parmi les principes de l'islam, eh bien que le dirigeant les combatte jusqu'à ce qu'il établisse ce principe de l'islam là, comme Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a combattu ceux qui refusaient de payer la zakat à l'époque. Il y avait un groupe après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont refusé de payer la zakat à l'époque du khilafa de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Donc c'est à cause de ça Abu Bakr al-Siddiq a décidé de les combattre. Comme c'est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et que Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a pris le khilaf après lui, il y a des Arabes parmi les musulmans arabes, il y en a qui ont apostasié, il y en a qui ont rejeté la foi, qui sont retournés à la mécréance, et il y en a d'autres qui ont refusé de payer la zakat. Et parmi ceux-là, donc, Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, Omar ibn al-Khattab, il a dit à Abu Bakr, كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ودمه عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Donc ici on voit cet exemple là, c'est que Omar ibn Khattab lui s'opposait au combat contre ceux qui refusaient de payer la zakat et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah et celui qui dit la ilaha illallah il sera protégé contre moi il sera protégé dans ses biens et dans son dans sa personne contre moi excepté pour un des droits de la ilaha illallah et son jugement appartient à Allah. Donc, il a utilisé ce hadith du prophète Hassan comme un argument pour opposer Abu Bakr al-Siddiq et pour dire à Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu que il fallait pas les combattre. Ça c'était son dalil, ça c'était sa preuve à Omar. Et Abu Bakr al-Siddiq, yani pour montrer sa compréhension de l'islam et sa grande connaissance de la religion, il a répondu à Omar ibn Khattab, il lui a clarifié justement la réalité de ce que signifiait ce hadith-là. Et il lui a dit par Allah, je vais combattre celui qui fait une distinction entre la salat et la zakat. Donc c'est pour dire que on ne peut pas faire une distinction entre la salat et la zakat. Et la zakat c'est le droit de l'argent. Donc la zakat c'est le droit de l'argent. Et à chaque fois qu'on lit dans le Coran, on voit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la salat et tout de suite après la zakat wa aqimu salata wa atu zakat établissez la salat et donnez la zakat donc c'est deux choses qui sont toujours ensemble dans le Coran donc celui qui nie la zakat c'est comme si il a en même temps ou celui qui refuse de payer la zakat c'est comme s'il a refusé un des droits de l'islam et le cheikh il dit ensuite que Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu il a dit, s'il refusait de me donner une corde qu'il donnait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, je les combattrais jusqu'à ce qu'il la donne. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, par Allah. Comme si, quand il a vu comment Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu était déterminé à combattre, et avec quelle conviction et certitude il était déterminé à le faire, eh bien, il a dit, j'ai vu par la suite que c'est en fait Allah subhanahu wa ta'ala qui avait ouvert la poitrine de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu pour le combat. Et donc, j'ai su que c'était la vérité. Et que ce que Abu Bakr radiallahu anhu appelait à faire, c'était en réalité l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. Donc, celui qui refuse de payer la zakat, le dirigeant va la prendre de force de sa part. Mais si il est armé et qu'il a un groupe de personnes avec lui qui ont une force militaire ou qui ont une force pour refuser de la payer, etc., eh bien le dirigeant doit préparer une armée pour les combattre. Et ça c'est pour toute personne qui abandonne des aspects et des principes apparents de la charia de l'islam et qui cesse de les appliquer ouvertement, si le dirigeant a la capacité. Eh bien, il doit les combattre pour faire en sorte que ces gens-là l'appliquent. Et c'est pas comme certains s'imaginent dans l'islam que on est tous libres et que chacun peut refuser de faire ce qu'il veut ou faire des choses qui sont contraires à la religion sans problème parce qu'on a soi-disant la liberté de religion. Ça, c'est faux. On doit appliquer la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit s'écarter de tout ce qui est contraire à la vérité et tout ce qui est faux et on doit appeler les autres à appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur imposer justement de rester dans la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger la religion. Le cheikh dit donc que ça c'est si la personne refuse de la payer tout en reconnaissant son obligation. En ce qui concerne celui qui refuse de la payer et qui nie son obligation, alors celui-là il est kafir. Comme celui qui dit par exemple la zakat n'est pas obligatoire, où les gens sont libres, Hein, celui-là, on va le faire, on va l'appeler à se repentir. S'il se repent, c'est bien, alhamdoulilah, il revient à l'islam. Mais toutefois, si il persiste à nier l'obligation de la zakat, alors dans ce cas-là, il sera tué ou exécuté par le dirigeant musulman ou par son représentant comme étant un apostat. Wal'iyadu billah. Et juste en passant, justement aussi par rapport à la salat ici, je voulais juste mentionner que en ce qui concerne la prière, on a expliqué déjà dans le cours dernier qu'il y avait une divergence d'opinion au sujet de celui qui priait ou qui ne priait pas. Et que certains ulama ont dit que celui qui ne prie pas et qui reconnaît son obligation, qui reconnaît l'obligation de la salat, certains ulama ont dit qu'il n'est pas kafir. Mais tous les ulama de l'islam sont tous d'accord sur le fait que celui qui refuse de prier, il doit être, on doit l'appeler à se repentir. Et que s'il refuse d'établir la salat par la suite, eh bien, il sera exécuté. Ça, c'est à l'unanimité des savants de l'islam. Ils n'ont pas divergé là-dessus. Donc, ils sont divergents sur la question de est-ce qu'il est kafir ou non. Mais sur la question de la punition de celui qui ne prie pas, eh bien, ils sont tous d'accord que ce soit. Et s'il nie l'obligation de la prière, il va être exécuté, même s'il prie. Même s'il prie. Parce qu'il a nié quelque chose d'obligatoire, et ça c'est kufr. Mais s'il ne prie pas, et qu'il reconnaît son obligation, dans ce cas-là, il est, selon certains ulama, hein, selon certains ulama parmi les salafs, il est toujours musulman. Sauf que, on doit l'appeler à faire la prière, et à le forcer à faire la prière. S'il refuse, le juge va faire en sorte qu'il soit exécuté. Il va juger qu'il doit être exécuté. s'il persiste à ne pas vouloir prier. Et par la suite, donc c'est pour dire qu'il sera exécuté. Ça, il n'y a pas de divergence entre les ulama. Donc si quelqu'un vous dit par exemple, à ceux qui disent que le musulman qui ne fait pas la prière, il doit être exécuté, ceux-là sont des extrémistes ou des choses comme ça, eh bien vous devez savoir en réalité que c'est pas vrai et que c'est pas une forme d'extrémisme, puisque tous les savants de l'islam, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, dans tous les livres de fiqh, à l'unanimité des madahib, tous les ulama sont tous d'accord sur ça. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, Ibn Hanbal, Al-Shafi'i, tous les ulama, Abu Hanifa, tous sont d'accord sur la punition à ce sujet-là. La seule chose qu'ils divergent, c'est avec de quelle manière cette personne sera exécutée. Donc ça, il y a une divergence, avec quoi on va l'exécuter. Est-ce que c'est avec un coup d'épée, est-ce que c'est autrement, mais pour la question de l'exécution, ça, ils sont tous d'accord là-dessus, que celui qui ne prie pas, sa punition, c'est qu'il soit exécuté. Et bien entendu, lorsque cette punition-là est appliquée, alhamdoulilah, eh bien, ça fait en sorte que les gens font plus attention et ils s'attachent à la prière avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de sérieux. Donc ça, c'est un des principes de l'islam qu'il faut bien comprendre. Ensuite, le cheikh dit, et le quatrième pilier de l'islam, al-rukn al-rabi', sawm shahr ramadan. من كل سنة. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فيجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان أداء وإن كان يستطيع الأداء وليس له عذر أو قضاء إذا كان لا يستطيع الأداء وليس له عذر أو قضاء إذا كان لا يستطيع الأداء وله عذر. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمريض والمسافر يفطران ويقضيان ومن لم يستطع الصيام لكبر وهرم أو لمرض مزمن فإنه يفدي. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كل يوم يطعم مسكينا فدية عن الصيام إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. Donc le cheikh il dit ici comme pilier, le quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois du Ramadan à chaque année. Et il mentionne le verset dans Surat al-Baqarah 185, 184, 185. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Et il mentionne ce verset-là jusqu'à l'endroit où Allah il dit, donc quiconque quiconque est témoin de ce jeûne, de ce mois qu'il jeûne, alors qu'il jeûne. Donc c'est obligatoire pour le musulman de jeûner. Kutiba alaykum siyam. Donc le jeûne a été prescrit pour vous. Et donc ça, ça prouve que c'est obligatoire pour les musulmans de jeûner le mois du Ramadan. Soit qu'ils le jeûnent au moment où le mois se présente, s'il est capable, donc il le fait à ce moment-là, et s'il a une excuse et qu'il ne peut pas le faire à ce moment-là, alors il le refait plus tard, les jours qu'il a manqué, il les refait plus tard lorsqu'il a une excuse. Et si, et s'il n'est pas capable, bon, ça c'est ce qui va venir par la suite, s'il ne peut pas le faire au moment du Ramadan, il l'a fait après, parce qu'il a une excuse. Comme Allah dit dans le verset 185, et celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il les refasse dans d'autres jours. C'est-à-dire qu'il refasse son jeûne dans d'autres jours. La personne qui est en voyage, la personne qui est malade, eh bien, ces deux-là, Allah les a excusés. Donc, pendant le Ramadan, si quelqu'un part en voyage, il peut briser son jeûne, il peut manger. Ça fait partie de la facilité, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes, comment il leur a rendu la religion facile. Et ça fait partie de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ja'ala Allahu alaykum fid-din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas imposé aucune difficulté pour vous en matière de religion. La religion, elle est simple, elle est facile pour tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité les choses. Donc si tu es malade, tu jeûnes pas. Si tu es en voyage, tu jeûnes pas. D'accord? Mais maintenant, si quelqu'un par contre, une personne est très âgée, ou quelqu'un par exemple, elle a une maladie, mais cette maladie-là, elle ne va pas guérir. Parce que, supposons qu'il a une maladie qui est persistante, qui dure. Donc celui-là, non seulement il ne doit pas jeûner, mais en même temps, étant donné qu'il ne peut pas jeûner, il va nourrir un pauvre à la place. Donc celui qui est malade ou qui est en voyage, il brise son jeûne durant le moment qu'il est en voyage et durant le moment qu'il est malade. Et quand le Ramadan est fini, quand il est guéri, il va reprendre les jours qu'il a manqués et c'est tout. Toutefois, celui qui est malade ou qui est très âgé, qui peut pas jeûner, ou qui est malade d'une maladie qui ne peut pas guérir, comme par exemple quelqu'un qui fait du diabète ou des choses comme ça, il ne peut pas s'abstenir de manger à certaines heures ou des choses comme ça, et bien dans ce cas-là, il est excusé lui, et au lieu de jeûner, il va, étant donné qu'il ne peut pas reprendre les jours durant l'année, il ne peut pas puisqu'il est toujours malade, ou bien qu'il est trop vieux, etc., et bien dans ce cas-là, il doit nourrir un pauvre, pour les jours qu'il a manqué. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ » Donc, pour chaque jour qu'il a manqué, il va nourrir un pauvre, pour remplacer le jour qu'il a manqué. Et il y a aussi la question justement de la femme enceinte ou la femme qui allait. Il y a une divergence d'opinion entre les ulama à ce sujet-là. Cheikh, il n'a pas mentionné dans ce point-là. Et il y a des ulama qui disent que si la femme enceinte ou la femme qui allait, elle craint pour son bébé ou des choses comme ça, bien pour elle-même, soit elle doit remettre, par exemple, reprendre les jours par la suite qu'elle a manqué. Et il y en a d'autres ulama qui ont dit qu'elle doit juste elle doit juste nourrir un pauvre pour les jours qu'elle a manqué aussi. D'accord? Il y a divergence d'opinion là-dessus. Et moi, l'opinion qui m'a le plus convaincu, c'est la position de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et de Ibn Mas'ud radiallahu anhuma. Ibn Abbas et Abdullah ibn Mas'ud, eux, ils ont dit que la femme enceinte, elle ne remet pas les jours qu'elle a manqués. Elle fait juste payer, elle fait juste nourrir un pauvre pour les jours qu'elle a manqués seulement. D'accord? Et donc, ça c'est l'opinion, wallahu a'lam. Après, le cheikh, il dit, إذا كان لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. Celui qui ne peut pas jeûner ni durant le Ramadan ni après, il ne peut pas le remettre après parce qu'il est malade ou parce qu'il est trop vieux, ben il nourrit un pauvre à la place. Maintenant, le dernier pilier de l'islam, c'est le Hajj. Donc le cheikh il mentionne justement cette partie-là, il dit الركن الخامس حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا والحج معناه في اللغة القصد أما في الشرع فهو قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج والعمرة تقربا إلى الله جل وعلا فالحج والعمرة عبادتان لله عز وجل ولكن مكانهما ومحلهما في المسجد الحرام وما حوله من المشاعر فلو أنه حج إلى غير الكعبة فلن يقبل حجه وإذا اعتقد أنه يحج إلى قبر أو إلى ضريح أو إلى بناية أو إلى شجر فإنه يرتد عن دين الإسلام فليس هناك شيء يحج إليه إلا بيت الله عز وجل البيت العتيق فيؤدى فتؤدى مناسك الحج والعمرة عنده وحوله كما أمر الله والحج في زمن مخصوص كما قال تعالى الحج أشهر معلومات وأما العمرة ففي كل سنة وليس لها وقت محدد لشيخ الزي يزيك إلياكم سيكن بنيد الإسلام لحج vers la Mecque, hein, vers la Mecque, pour celui qui a la capacité de le faire. Donc le cheikh il dit que le Hajj, dans la langue, la signification linguistique du mot Hajj, c'est al-qasd, c'est-à-dire l'intention. Et dans la charia, dans la législation islamique, dans le sens religieux du mot Hajj, c'est d'avoir l'intention et de se diriger vers la Kaaba, vers la Bayt al-Bayt al-Haram, hein, la maison qui a été construite par Abraham pour l'adoration, pour établir les rituels du Hajj et de la Umra dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Hajj et la Umra sont deux adorations qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elles ont un endroit bien précis et une place bien précise où elles doivent être faites. Ces deux adorations-là, le Hajj et la Umra, sont des adorations qui doivent être faites à la mosquée sacrée, à la Mecque, et dans les alentours, dans les endroits qui sont autour, comme Mina, et Muzdalifa, et Arafat, et des choses comme ça. Hein? Et si quelqu'un, le cheikh dit, si quelqu'un va faire un Hajj à autre que la Kaaba, alors son Hajj ne sera pas accepté. Hein? C'est sûr qu'il ne sera pas accepté, puisque c'est à cet endroit-là que Allah nous a ordonné de faire le Hajj. Donc, si quelqu'un va faire le Hajj ailleurs, c'est pas accepté. Et il dit, s'il croit qu'il va faire le Hajj vers une tombe, ou vers un tombeau, ou vers un mausolée, ou une mosquée où il y a une tombe dedans, ou une construction, ou vers un arbre, ou des choses de ce genre, alors dans ce cas-là, il a apostasié la religion de l'islam. Parce qu'on n'a pas le droit de faire le Hajj excepté vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-Bayt al-Atiq, c'est-à-dire la maison ancienne en parlant de la Kaaba. Hein? Donc c'est là-bas qu'on doit faire notre Hajj. Parce que dans les pays, dans certains pays musulmans, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils pensent qu'ils peuvent faire le Hajj des pauvres, comme ils l'appellent. Aller faire le Hajj dans dans un endroit où il y a un wali, un saint, soi-disant, qui est enterré, et les gens vont là-bas pour faire le hajj à sa tombe. Et ils, au lieu de tourner autour de la Kaaba à la Mecque, ils vont tourner autour de la tombe d'un saint. Et ils ont inventé ça. À chaque année, il y a justement un petit pèlerinage qui se fait dans différentes villes dans les pays musulmans, différents endroits dans chaque pays musulman, où les soufis, surtout les gens de la secte, différentes sectes soufis, ils vont dans ces endroits-là, puis quand ils se réunissent ensemble, ils imitent comme les rituels qu'on fait lorsque quelqu'un va à la Mecque. Donc ils vont tourner un certain nombre de fois autour de la Kaaba, ils ont des fois même un endroit où il y a une source près de la tombe, ils vont prendre de l'eau à cet endroit-là pour se laver avec, et ils croient qu'elle est bénite parce qu'elle est proche de la tombe du saint, et ils croient que probablement que le saint il est béni, donc il va bénir l'eau, il va bénir tout ce qui est autour. S'il y a un arbre à côté, ils vont faire un rituel avec l'arbre. Quand ils rentrent dans la tombe, dans l'endroit où il y a la tombe, ils vont faire un rituel aussi. Tout ça, c'est des choses qui ont été inventées, innovées, qui n'ont aucune référence et aucune preuve dans la charia. De plus, ils vont amener des animaux avec eux pour aller sacrifier un animal à cette tombe, pour demander une faveur au mort ou au saint qui est enterré. Donc tout ça, c'est des formes d'idolâtrie, de shirk majeur qui font à quelqu'un quitter l'islam. Et donc, le fait de voir ces gens-là commettre ces formes de shirk dans les pays musulmans, et qu'il n'y a personne qui parle contre ces choses-là parmi les autres jama'at et les groupes de bid'a, personne avertisse. Il n'y a personne qui avertit ces gens-là et qui leur explique que ça c'est shirk, donc ça c'est très dangereux. Et donc ça c'est très important de savoir qu'il n'y a pas de hajj à faire excepté à la Mecque. Et en dehors de ça, il n'y en a pas de hajj. Et comme vous connaissez sûrement l'exemple de qu'est-ce qui se passe dans certaines villes, et il y en a justement des reportages qui ont été faits sur certains de ces pèlerinages-là, comme par exemple à Touba, au Sénégal, il y a les gens de la secte des Mourides qui suivent Ahmadou Bamba, et bien ils vont à chaque année là-bas à la tombe de leur fondateur qui est enterré dans la mosquée, faire des pèlerinages à cet endroit-là. Et ils pensent que c'est permis dans l'islam. Et ils vont se prosterner devant la tombe, ils vont faire des invocations près de cette tombe, ils vont l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme d'autres le font avec la tombe de Ahmed Tijan au Maroc, à Fès, et dans d'autres villes également, dans le monde musulman, il y en a des choses pareilles qui se passent ailleurs. Donc, ça c'est pour montrer que ces choses-là sont complètement interdites, et le cheikh, il dit, celui qui fait ça, il a apostasié l'islam, il a quitté la religion de l'islam. Donc le cheikh dit, il n'y a pas un hajj qui doit être fait excepté à la maison qui est ancienne, c'est-à-dire la Kaaba à la Mecque, et c'est là-bas qu'on doit établir les rituels du hajj, de même que dans les alentours comme à Arafat et à Mina et à Muzdalifa, comme c'est mentionné dans les principes de l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à une période de temps de l'année qui est bien spécifique et bien précise. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 197 dans Surat al-Baqarah, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le Hajj se fait dans des mois bien connus. Ok? Et il dit, en ce qui concerne la Umrah, donc c'est toute l'année qu'on peut le faire, et il n'y a pas donc un temps spécifique dans lequel on doit le faire. Après le Cheikh il dit, وقال تعالى من استطاع إليه سبيلا لما كان الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى سفر وفيه مشقة شرط الله لوجوبه الاستطاعة شرط الله لوجوبه الاستطاعة فالاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن فمن استطاع ببدنه وليس عنده مال فليس عليه حج ومن استطاع بماله ولكن لا يستطيع ببدنه فإنه يوكل من يحج عنه ولما كان الحج شاقا وبعيد المكان على بعض المسلمين يسره الله وجعله مرة واحدة في العمر مع الاستطاعة وما زاد على المرة الواحدة فإنه تطوع كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فالحج مرة واحدة ولله الحمد وهذا هو الفرض وما زاد على المرة فهو تطوع. الشيخ يشرح. Il dit que lorsque Allah dit dans le verset 98 dans Sourate Al-Imran, il dit Man istata'a ilayhi sabila, celui qui en a la capacité, qui a le moyen. Le Cheikh il dit étant donné que le Hajj, il nécessite de notre part une provision de l'argent et des biens qu'on doit laisser, non seulement pour qu'on doit avoir pour nous-mêmes pour partir, on doit avoir suffisamment d'argent et de provisions pour partir, et aussi également qu'on doit laisser pour ceux qu'on laisse derrière parmi les membres de notre famille qui sont sous notre charge, on doit également laisser suffisamment d'argent et de biens pour qu'ils puissent continuer à vivre durant cette période. Et également ça demande de l'entretien, ça demande un voyage qui est long et parfois qui est très dur. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc il a mis comme condition pour que ce soit obligatoire la capacité. Et le chef il dit que la capacité c'est soit une capacité financière, économique et aussi une capacité physique de le faire. Donc celui qui a la capacité physique, qui est capable de le faire, mais qui n'a pas les biens, qui n'a pas l'argent suffisant pour y aller, alors c'est pas obligatoire pour lui de faire le Hajj. Tandis que celui qui a la capacité avec ses biens, il a de l'argent, mais physiquement il est incapable de faire le Hajj, alors il peut charger quelqu'un de faire le Hajj à sa place et lui donner l'argent pour le faire, pour que ça compte pour lui. Donc ça c'est quelque chose qui est accepté. Et qu'est-ce qu'on remarque parfois, c'est qu'il y a des gens qui ont les moyens de partir faire le Hajj, mais qui le remettent toujours et qui le laissent toujours à une année suivante. Hein, ils disent « Ah, pas cette année, je vais y aller l'année prochaine. » Ça c'est, dans ce cas-là, quelqu'un fait un péché. S'il retarde l'obligation du Hajj alors qu'il est capable de le faire, qu'il a la capacité physique et la capacité financière. Pourquoi? Parce que les musulmans se sont souvent laissés, étant donné que dans certains pays musulmans, le Hajj c'est tellement dispendieux pour les gens, ils n'ont pas les moyens. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils retardent le Hajj parce qu'ils peuvent pas le faire, donc ils économisent l'argent jusqu'à ce qu'ils soient capables d'y aller. Et parfois, ça peut prendre une vie entière pour accumuler la somme nécessaire pour pouvoir partir. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, dans certains pays où les musulmans ont plus de moyens, plus de richesses, les gens ont accumulé l'argent nécessaire pour y aller. Et puis malgré ça, ils n'y vont pas, ils ne vont pas faire le Hajj. Ils laissent, et même parfois même on voit ici au Québec ou dans d'autres pays occidentaux, des musulmans qui retournent à chaque année dans leur pays d'origine pour visiter la famille, ils payent les billets d'avion pour eux et pour leur famille, et ils achètent des cadeaux même pour la famille lorsqu'ils vont les visiter, et ils reviennent à chaque année comme ça, mais ils ne dépensent pas l'argent pour aller faire le Hajj. Donc ça aussi c'est des gens qui ont fait un péché dans ce cas-là, et qui négligent une obligation qu'ils doivent accomplir. Ça, c'est très grave. Et il y a aussi les gens de Tablir, et on voit les gens de Jamaat Tablir souvent qui, pendant des années, vont d'un pays à l'autre faire, soi-disant, qu'est-ce qu'ils appellent le khuruj, et qui négligent l'obligation de faire le Hajj, alors que c'est un des piliers de l'islam. Donc ça, c'est des exemples. Et quoi d'autre encore? Il dit, donc étant donné que le Hajj est quelque chose de lourd et très difficile, et que pour certains c'est très très loin, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité la religion, et il a fait en sorte que ce soit obligatoire une fois dans notre vie pour celui qui est capable. Et ah oui, il y a aussi la question de pour la femme, une autre condition pour la femme, c'est qu'elle ait un mahram pour voyager. Si la femme n'a pas de mahram pour voyager, elle n'a pas un homme de sa famille qui peut être avec elle durant le hajj, alors dans ce cas-là, c'est pas obligatoire pour elle d'aller faire le hajj dans ce moment, à ce moment-là, c'est pas obligatoire. Parce qu'il y a des femmes parfois qui veulent partir sans un mahram, et ça, il n'y a pas de doute que c'est interdit. Après, le cheikh, il dit, donc, que si quelqu'un, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité la religion pour nous et il nous a ordonné de faire le hajj seulement une fois dans notre vie, si on a la capacité. Si on le fait plus qu'une fois, dans ce cas-là, c'est comme si c'est considéré comme des actes supplémentaires, des bonnes œuvres supplémentaires qu'on accumule. Et il y a dans le hadith justement qui a été rapporté à ce sujet-là, rapporté par Al-Bukhari, par Muslim, un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh les hommes, faites le hajj. Allah vous a ordonné de le faire. Il vous a rendu obligatoire pour vous le hajj. Alors faites le hajj. Et quelqu'un dans l'assemblée qui était là a dit, est-ce que c'est à chaque année au messager d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. La personne a répété ça trois fois. Est-ce que c'est à chaque année au messager d'Allah? Est-ce que c'est à chaque année au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas répondu. Et à la troisième fois, il a répondu. Il a dit, si je disais oui, alors ce serait obligatoire. Et vous ne seriez pas capable. Et donc ça, c'est pour dire, il ne faut pas poser des questions, des fois, sur des choses qui sont déjà clarifiées, hein, pour rajouter des complications et des difficultés. Hein, laisser les choses telles qu'elles sont expliquées. Et le cheikh il dit, فالحج مرة واحدة. Le hajj c'est une seule fois qui est obligatoire dans la vie. Hein? Et une fois que tu l'as fait, c'est tu as accompli ton obligation. Et si tu rajoutes, alors dans ce cas-là c'est supplémentaire, c'est des actions supplémentaires. Bien entendu, si quelqu'un l'a fait avant la puberté, hein, il doit le refaire une fois qu'il a atteint la puberté. Et le cheikh il dit, donc, فهذه أركان الإسلام الخمسة والحج معه العمرة لأن في بعض الروايات أو في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه وأن تحج وتعتمر والعمرة تسمى الحج الأصغر. Le cheikh il dit, et donc ça c'est les cinq piliers de l'islam qu'on a expliqué, et le hajj il y a la Umrah qui vient avec. Dans certaines narrations du hadith de Omar, on voit qu'il y a l'obligation avec le Hajj, il y a la Umrah qui est mentionnée. Donc la Umrah aussi est obligatoire et on l'appelle aussi le petit Hajj. Le petit Hajj. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et puis on continuera donc ce cours demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين